ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Arvida, une ville modèle citée en exemple partout dans le monde. Comme enfant, on avait des services que l'on retrouvait. On avait des arénas, on jouait au curling, on avait des champs de baseball, on avait de l'espace. Tout était pris en charge par l'Alcan. Alors, toute cette beauté, on était entouré de beauté, ça forme aussi le caractère, hein? Ça forme une personnalité. Il n'y a pas de laideur dans cette ville. La comédienne Louise Latraverse, fière ambassadrice de la ville d'Arvida. L'histoire d'Arvida est bien sûr étroitement liée à l'histoire du mouvement ouvrier québécois et à l'histoire du développement de l'industrie de l'aluminium chez nous. Mais la ville d'Arvida s'est aussi très rapidement fait connaître un peu partout dans le monde comme une cité modèle, une sorte d'exemple à suivre dans la planification et le développement des villes industrielles. Qu'est-ce qu'il y a à Arvida de si spécial que ça pourrait être d'intérêt mondial? Bien, il y a d'abord l'envergure et la qualité de la planification urbaine, qui est une chose absolument sans précédent dans l'histoire des villes. Arvida permet d'expliquer, permet de comprendre ce qui est arrivé avant dans l'histoire des villes, dans l'histoire des utopies sociales, dans l'histoire des grandes villes industrielles et ce qui est arrivé après en matière de logement ouvrier. C'est la deuxième raison aussi pour laquelle Arvida est importante sur la scène internationale et se démarque. C'est en raison de la qualité de l'habitat ouvrier qui a été construit là par l'Alcoa puis par l'Alcan, grâce à la contribution d'architectes bien connus au Canada. Donc, un habitat ouvrier qui n'était pas seulement fait pour les cadres ou les dirigeants des compagnies comme tous les quartiers des Anglais qu'on connaît au Québec, là, mais un habitat ouvrier qui était pour tous les travailleurs et pas dans des petites cases ou dans des appartements ou des immeubles tous semblables les uns aux autres, mais dans des maisons, des pavillons unifamiliaux, tous différents les uns des autres. Si bien que dès la première phase de construction de la ville, en 1926, on disait que pas une maison ne ressemblait à sa voisine, et c'était particulièrement frappant, puisqu'on en avait construit 270 maisons en 135 jours. Alors, il y a des choses sur Arvida, dans tous les manuels de planification des années 30, des années 40, des années 50, il y a des archives d'Arvida, des plans d'Arvida, jusqu'en Oregon, au Tennessee, en Caroline du Nord. La professeure au département d'études urbaines de l'Université du Québec à Montréal, Lucica Morisset, à l'émission Christiane Charrette en octobre 2010, au moment où est évoquée la candidature d'Arvida comme ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour nous parler de l'histoire d'Arvida, de son importance patrimoniale aussi, justement, je reçois Jérôme Gagnon, qui est professeur d'histoire au Cégep de Jonquière. Jérôme Gagnon, bonjour. Bonjour. Une bonne manière, Jérôme Gagnon, je pense bien, de comprendre le contexte dans lequel naît la ville d'Arvida, c'est d'abord de parler de son nom. Racontez-nous l'histoire de ce nom, Jérôme Gagnon. Pourquoi Arvida? Bien, pourquoi Arvida? En fait, Arvida, c'est un acronyme. Hein? C'est l'acronyme du directeur général et président de la compagnie Alcoa. Donc, au moment où il est entré, c'était la compagnie Pittsburgh Reduction. Et le monsieur s'appelle Arthur Vining Davis. Donc, des deux premières lettres de chacun de ces noms, on a forgé le mot Arvida, donc qui est intimement lié là, à la compagnie américaine, à la multinationale de l'aluminium. Ouais, le nom même de la ville donc, nous indique à quel point cette ville-là est une ville pensée par l'Alcoa, et c'est une ville industrielle dès le départ, donc. Oui, c'est une ville industrielle. D'ailleurs, c'est pas la première au Québec qu'Alcoa va mettre sur pied. En fait, ils vont s'implanter au début du 20e siècle à Shawinigan en 1901, suite à la construction des infrastructures hydroélectriques où plusieurs entreprises industrielles vont s'implanter. Ben, Alcoa en fait partie. Ben, en fait, hein, ce qui fait qu'on va s'implanter à Shawinigan, c'est la raison aussi pour laquelle on va s'implanter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. La première raison, c'est véritablement lié là, à la nécessité d'avoir de grandes quantités, d'une forte énergie hydroélectrique. Parce que c'est une industrie, faut-il le rappeler, l'industrie de l'aluminium qui consomme qui a besoin d'énormément de puissance hydroélectrique. Oui, tout à fait. Le procédé industriel est entièrement basé sur l'utilisation d'électricité. En fait, on va séparer de l'alumine, hein, qui est une résultante de la bauxite qu'on a séparée. On a séparé l'alumine et cette alumine-là va être traitée à l'aide d'anodes électriques pour en extraire, pour séparer le métal, l'aluminium, de cet alumine. Donc, ça demande d'énormes quantités d'énergie. Et évidemment, c'est la raison première pour laquelle Alcoa, puis plus tard Alcan, vont installer leurs usines dans des régions à très fort potentiel hydroélectrique. Ouais. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, au début des années 20, ben, est en train de mettre sur pied un projet hydroélectrique extrêmement important, celui d'Île-Maligne. Donc, d'autres industriels, notamment un Américain, M. James Buchanan Duke, et puis le géant du papier au Saguenay, Sir William Price, vont s'allier pour construire la centrale d'Île-Maligne. Cette centrale-là, qui devait produire 402 MW, c'est le plus gros projet hydroélectrique au monde à cette époque-là, va attirer Alcoa, qui va devenir propriétaire, d'ailleurs, après quelques années, là, des pouvoirs hydroélectriques, des compagnies qui sont formées. Et à partir de la construction d'Île-Maligne, ben, on va construire l'aluminerie d'Arvida. Oui, en 1925, donc, l'Alcoa décide de construire cette aluminerie d'Arvida. Et tout de suite après, en 26, commence la construction de la ville d'Arvida. Parlez-moi de ça, c'est en soi, ça vaut le détour, et c'est en soi une petite histoire dans la plus grande histoire d'Arvida, la construction de la ville, 135 jours. 135 jours seulement dans cette première phase de la construction d'Arvida. Comment ça se passe, Jérôme Gagnon? Oui, ben, dès le départ, en construisant l'usine d'ailleurs, on va débuter les travaux d'aménagement de la ville industrielle. Hein. C'est une ville de compagnie entièrement gérée et administrée par la compagnie. C'est pas le premier modèle qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas non plus le premier modèle qu'Alcoa va opérer. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a déjà plusieurs villes de compagnie qui sont administrées par des compagnies, notamment de pâtes et papiers. C'est le cas de la compagnie Price, par exemple, qui, tout près d'Arvida, opère la ville de Kenogami avec une usine de papier. Mais donc, on a décidé de situer Arvida entre, justement, Kenogami et puis Chicoutimi en raison d'un terrain qui est idéal. C'est des terres agricoles. On va acheter les terres à des cultivateurs, à une cinquantaine de cultivateurs. Et puis, rapidement, ben, on procède à la construction de l'usine. Et dès le début, dès l'été 1926, ben, on entreprend la construction de la ville elle-même. Ça, c'est vraiment assez exceptionnel. À Arvida, la ville a été construite, la première phase d'établissement de la ville, en 135 jours. 270 maisons, donc une moyenne d'au moins deux maisons par jour. Certaines journées, on en construisait 4, 5, 6 même. Mais ce qui explique la capacité d'Alcoa de construire ces maisons-là, d'ailleurs, on avait ouvert un département pour la construction de la ville, qui s'appelait la division Arvida Works. Arvida Works, donc, vont littéralement utiliser le modèle de la chaîne de montage pour construire la ville. Oui. C'est-à-dire que les pièces des maisons sont déjà là, préfabriquées, mesurées, sciées dans une scierie qu'on a aménagée à proximité du chantier, entre l'usine et puis le chantier de la ville. Les pièces déjà préparées sont amenées par des voies ferrées là, qu'on installe temporairement dans les rues pour amener les matériaux directement sur le site où les ouvriers vont monter littéralement la maison là, en quelques heures. Oui. Donc, c'est véritablement un exploit là, de construction, là, cet aménagement de la ville en 135 jours. Oui, 135 jours, 270 maisons. Ça, c'est la phase 1. Il y en aura d'autres, on y reviendra. Et puis, dans cette phase 1, 30 modèles, ça, c'est une autre particularité, 30 modèles différents de maisons. Là. Les maisons ne se ressemblent pas toutes les unes les autres. Puis, il y en aura d'autres, des modèles, 60 autres modèles, en fait, qui s'ajouteront par la suite pour les 2000 autres maisons qui sont construites jusqu'en 1950. Ça nous amène à parler, Jérôme Gagnon, du fait qu'Arvida va devenir une cité modèle, qu'on donne un exemple un peu partout dans le monde. On parle de ça dans un instant, mais je vous propose d'abord d'écouter un extrait d'un reportage présenté sur la plateforme de Télé-Québec, La Fabrique culturelle. Vous allez entendre dans cet extrait Marianne Salès-Côté, l'artiste Webster et l'historien Éric Tremblay. Alors, c'est ici, dans un sous-sol d'un bâtiment de Ville-Saguenay, à Chicoutimi, qu'on retrouve vraiment les plans originaux, ceux qui ont été faits par des architectes. C'est assez magique quand on regarde ça comme il faut. On raconte que dans les plans originaux, on aurait voulu écrire le mot Arvida avec le tracé des rues. Mais que la Deuxième Guerre mondiale aurait eu raison de ce projet-là parce qu'on voulait pas que les bombardiers allemands puissent identifier facilement la ville du Haut-Désert. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le tracé des rues, en vrai, il est là vraiment. Ça a été conçu, puis ça a été pensé, une histoire de vent. Ça a été fait pour ralentir la circulation des automobiles, la sécurité. Ça a tout été pensé, ça, par les architectes dans le temps et les urbanistes. On dit aussi qu'on voulait pas faire de différence entre les maisons des employés et des patrons, afin de ne pas trop distinguer les classes sociales. Mais il y a quand même eu quelques problèmes dans la conception de la ville. Il faut se dire qu'Arvida s'est dessinée à Pittsburgh, dans les bureaux de la COA. C'est une ville qui a été complètement réfléchie en dehors. Il y a même, on a eu des problèmes. Quand on est venu construire ici, il y a l'hiver. On n'y avait pas pensé à Pittsburgh à l'hiver, justement. On est obligé de changer nos plans. Mais ce qu'on a voulu faire à l'époque, c'est qu'on a voulu que les travailleurs soient heureux, comblés. Ça fait que si ton travailleur est heureux, si ton travailleur vit une vie de famille merveilleuse, il va être rentable. C'était des employés qui étaient mieux traités que dans les autres installations. Si tu regardes à l'époque de la crise de 29-30, les seuls employés qui réussissent à s'en sortir, c'est ceux qui travaillent ici pour l'ANCAP. Qu'est-ce qui fait d'Arvida? On en a une petite idée avec ce qu'on vient d'entendre, mais qu'est-ce qui fait d'Arvida la cité modèle qu'elle est devenue, Jérôme Gagnon? Oui, bien, c'est peut-être pas la première fois, mais en tout cas, on va à Arvida véritablement appliquer un programme voulu par la compagnie, voulu par Alcoa, où on veut montrer toute la modernité dans laquelle est engagée la compagnie. Donc, c'est d'abord et avant tout un projet de modernité, mais cette modernité-là, à Arvida, se traduit par la mise en place carrément d'un plan d'urbanisme extrêmement complexe, extrêmement abouti. D'ailleurs, en 1925, dès le début du projet, on fait appel à un architecte new-yorkais, Harry B. Brainerd, et puis un ingénieur, Hjalmar Skouger, pour, aux États-Unis, donc, mettre en place ce projet-là de ville de compagnie. Donc, à la planification de l'espace urbain, on va véritablement là, y ajouter et puis tenir compte de principes d'habitation urbaine qui sont dans la lignée depuis le 19e siècle de cette prise de conscience-là que l'industrie doit se préoccuper des habitations ouvrières, du personnel qu'elle emploie, pour des raisons, je dirais, d'hygiène, de psychologie sociale, mais aussi pour des raisons bien terre-à-terre. En réalité, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est assez isolé du reste du Québec, voire de l'Amérique du Nord. Et puis, pour attirer des travailleurs, ben, il faut des conditions de vie qui sont intéressantes. Oui, la ville doit être utilitaire, mais elle doit aussi être agréable. Oui. La qualité des services, le paysage, l'environnement social. Comme le disait Éric Tremblay, on veut un ouvrier qui est heureux dans son milieu de travail, dans l'espace qu'il habite. Et donc, cette ville à échelle humaine, cette ville agréable, cette ville qui est belle aussi, hein, je reviens à cet extrait qu'on entendait de Louise Latraverse au tout début de l'émission, à quoi elle ressemble très concrètement, cette ville-là? Ben, à quoi elle ressemble, c'est le nombre d'habitations, de types d'habitations. Il y en aura plus d'une centaine là, jusque dans les années 50 qui vont être construites dépendamment des périodes d'aménagement. Donc, la période initiale, mais après ça, pendant la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 50, d'autres modèles vont s'ajouter. On parle de rues qui sont larges. Pour les plus fréquentées, des rues qui sont très droites. Dans les quartiers d'habitation, des rues incurvées pour ralentir la circulation, des parcs un peu partout, un centre institutionnel où les églises, les écoles sont installées de façon harmonieuse. Donc, comme Mme Latraverse le disait, un endroit véritablement très, très beau, ouais, avec aussi des bâtiments de prestige. Bon, il y a cette dimension donc, dont on a parlé depuis quelques minutes ensemble, ces vertus urbanistiques, cette ville modèle, culturelle qui est importante, qui participe de l'histoire de la ville d'Arvida. Mais Arvida a aussi une importance historique durant la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Quel rôle va jouer la ville durant la Seconde Guerre mondiale? Oui, bien, au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est véritablement l'époque où la ville d'Arvida va connaître son plus grand développement. Déjà à partir de 1935-37, hein, les effets de la crise économique vont s'estomper rapidement, là. La nécessité pour les pays comme la Grande-Bretagne notamment de s'armer, notamment sur le plan de l'aviation, vont justifier l'augmentation d'une production d'aluminium. Donc, ça va entraîner l'ouverture de nouvelles salles de cuve à Arvida et au cours de la guerre, essentiellement la construction de nombreux ouvrages hydroélectriques. Donc, évidemment, on assiste à la croissance de la population, on assiste à une augmentation sans précédent du nombre de travailleurs. En 1942, on parle de 23 000 personnes qui travaillent pour la compagnie Alcan au Saguenay. Donc, c'est énorme, autant sur dans les salles de cuve que sur le chantier de la plus grande usine centrale hydroélectrique, celle de Chibcha. On a des ouvriers qui travaillent aussi loin qu'aux passes dangereuses sur la rivière Péribonka. Ouais. Donc, tout ça fait en sorte que la Seconde Guerre mondiale, c'est, on peut dire, l'âge d'or de la production d'aluminium là, à Arvida. De la même manière qu'on peut dire, je reviens sur cette notion d'importance historique d'Arvida durant la Seconde Guerre mondiale. En préparant le dossier, je lisais que, bon, d'abord, ce sera à ce moment-là, Arvida, la plus grosse usine d'aluminium au monde, et elle aurait fourni le deux tiers de l'aluminium dont les forces alliées ont eu besoin dans cet effort de guerre. C'est quand même considérable. Ça nous amène tout ça à parler aussi de l'importance d'Arvida dans l'histoire du mouvement ouvrier chez nous, parce que c'est une ville industrielle, très, très grosse industrie, donc, pour la région. Il y aura deux grèves, on pourra y revenir, deux grèves importantes à Arvida en 41 et en 57. Les salaires sont bons à l'usine d'Arvida, mais les conditions de travail sont difficiles. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait d'un reportage de Pierre Duchesne présenté à l'émission Zone libre en 2004. Vous y entendrez le témoignage de Lucien Boucher, qui a été cuviste à l'usine de l'Alcan à Arvida. Parlez-moi donc de l'allée du diable. Oh! L'allée du diable. C'est un coup de chaleur, sais-tu ce que c'est, ça? C'est un frisson comme quand t'as froid. Quand tu nais, là, t'avais tellement chaud, là, que t'étais imprégné de la chaleur, là, tu frissonnais, en plein ça un frisson de chaleur. Puis il y en avait, quand il y avait des frissons de chaleur, ils perdaient connaissance. Là, il fallait faire attention pour pas que le métal, puis quand des fois ça flaquait, puis bon, il y avait beaucoup d'électricité. Pour que ça nous roule, ça nous arrive dans les yeux. Ça nous prenait des vêtements spéciaux, des gros corps de laine, puis une chemise par-dessus. Parce que plus que tu n'avais épais sur le dos, moins tu sentais la chaleur des cuves. Ça nous prenait des culottes spéciales en pulpe. C'était épais. Ça pouvait pas brûler, nos culottes, ils étaient trempés tout le temps parce qu'on avait trop chaud. La chaleur, tu te levais les coudes, là, ça dégoûtait. Parle pas de l'hiver, là, pas de l'été, là. Ça dégoûtait, puis ça descendait dans nos bottes, dans nos bas, puis nos pieds étaient mouillés quasiment tout le temps. Ça nous prenait des mitaines qui montaient jusque ici. T'avais des bottines de potman qu'on appelait des cuisses, là. Faisaient ressemener ça par un cordonnier. Pour faire une double semelle plus épaisse, on prenait des pneus d'automobile. Les pneus, les vieux pneus, là. On se taillait des semelles dans ça. Ça te faisait une paire de bottes que t'es soulevé de ça, avec les talons. Ça, c'était quelque chose. Ah, c'était bon temps. Oui? Oh oui. Il n'y a pas un homme qui ferait ça aujourd'hui. On se disait ça souvent. Alors, on l'entend bien dans cet extrait, Jérôme Gagnon, des conditions de travail très, très difficiles pour les ouvriers d'Arvida. Parlez-nous un petit peu de ça, de comment ça se passait pour les ouvriers de l'usine de l'Alcan. Oui, les conditions sont difficiles et la région a l'habitude de ce travail difficile dans les usines de pâte à papier. C'était pas facile non plus et donc on va retrouver des conditions semblables à Arvida. Ce qui va faire que rapidement, à Arvida, on va sentir la nécessité de se doter d'un syndicat. Et puis, le type de syndicalisme qu'on va privilégier en 1937, c'est le syndicalisme national catholique, qui était déjà implanté depuis 1907, d'ailleurs, dans les usines du Saguenay, dans les usines de pâte à papier. Et pour les dirigeants de la compagnie, ben, ce type de syndicalisme-là faisait un peu leur affaire du fait qu'ils n'étaient pas très revendicateurs, étaient plus axés sur la coopération avec la compagnie plus que sur la confrontation. C'est de cette façon-là que, pendant des décennies, et ça, là, jusque dans les années 70, ben, c'est à l'intérieur du syndicalisme national que va évoluer le syndicalisme lié à Arvida. Donc, les grands conflits, celui de 1941, en pleine crise, où l'armée, d'ailleurs, va débarquer parce que cette grève-là est illégale, celle de 1957, qui va donner aux ouvriers d'Arvida, mais aussi aux ouvriers d'Alcan dans toute la province de Québec, la base des conditions ouvrières, les bases salariales pour l'ensemble des établissements de la compagnie, ben, tout ça va établir dans la région donc des bases de négociation et une habitude, je dirais, entre les ouvriers, entre le syndicat et puis la compagnie de concertation qu'elle va conserver jusqu'à aujourd'hui. Oui. On termine avec l'aspect patrimonial de la ville. On l'a évoqué déjà, c'est une ville qui a longtemps été citée en exemple partout dans le monde, une envergure dans son plan d'urbanisme qui a été remarquée dès les années 20, au moment où est construite la ville. Et puis, depuis quelques années, Arvida cherche à être reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. Où en est la ville dans cette démarche-là, Jérôme Gagnon? Le dossier de reconnaissance a débuté d'abord par la reconnaissance par le gouvernement du Canada, par celui du Québec, qui s'est fait en 2018. Cependant, depuis 2017, Arvida est inscrite sur la liste pour être reconnue dans les parmi les sites d'importance mondiale par l'UNESCO dans la liste canadienne. Donc, évidemment, il y a tout un comité, la CORPA, qui existe depuis 2010 pour faire valoir l'importance du patrimoine arvidien auprès des autorités canadiennes d'abord, et puis pour aussi vendre le projet à la population. De ce point de vue-là, on a mis en place des infrastructures d'interprétation, un programme de rénovation urbaine pour les propriétaires des maisons patrimoniales. Donc, on peut dire que la ville d'Arvida se fait belle en vue, justement, de conquérir là, le marché touristique mondial et le marché, on va dire, du patrimoine mondial. Jérôme Gagnon, il faut s'arrêter là-dessus. Professeur d'histoire au Cégep de Jonquière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.